C'est essentiellement... Voilà, il y a beaucoup de différences entre Malraux et Lang en réalité, parce que André Malraux d'abord est un grand écrivain. Alors, je ne sais pas s'il aurait vraiment versé dans la publicité, ce n'est pas vraiment son caractère. Mais il faut aussi se souvenir que quand André Malraux est ministre, c'est un moment très difficile. Lui-même a des problèmes d'addiction avec l'alcool, avec la drogue, ses enfants sont morts dans un accident. Enfin, ouais. Il a une vision sépulcrale de la culture. Jack Lang, il est plutôt, vous l'avez dit, dans les forces de la vie, de l'optimisme, de la jeunesse, de l'enthousiasme. C'est ce qui fait d'ailleurs sa popularité inoxydable, hein, avec le temps, aujourd'hui encore, quand on demande aux Français qu'est-ce que vous voudriez avoir comme ministre de la Culture, ils vous disent Jack Lang, qui a 82 ans, et vraiment, même si a priori il n'y a pas d'âge, Joe Biden nous le dit. Ouais. Ça peut être étonnant, quelqu'un qui a été ministre il y a 40 ans, de continuer à susciter autant d'intérêt et autant de, on va dire, d'affection de la part des Français, mais je crois que c'est parce que justement, il représentait, il était en liaison avec ce libéralisme culturel des années 80, qui va aller de pair avec la publicité, mais pas que, c'est-à-dire cet enthousiasme, cet optimisme qui va le caractériser aussi l'époque. Malgré, encore une fois, un certain nombre de dérives qu'on reprochera aussi à Jack Lang. Hein. Il y a un livre en 1987 qui est écrit par quelqu'un qu'on connaît bien, Alain Finkielkraut, qui s'appelle La défaite de la pensée. Et pour lui, oui. Jack Lang, hein, il dit une paire de bottes vaut Shakespeare, c'est-à-dire la publicité et les œuvres, c'est la même chose et c'est un drame. Et d'une certaine manière, on ne peut pas lui donner totalement tort. À l'époque, en tout cas, ça se comprend. N'empêche que ce livre porte le titre Les années Lang, ça aurait pu être les années 80, et ben c'est les années Lang. Alors, ça aurait pu être les années Mitterrand Lang, mais c'est vrai qu'il laisse une grande trace, et c'est pour ça qu'on voulait parler de ça. Pas seulement pour parler de lui, c'est pas Jack Lang en tant seulement comme politique, même si c'est, et c'est intéressant, je voudrais en dire un mot, c'est probablement le premier homme politique pop. Il va mélanger la politique, la culture et aussi un peu de publicité. Il se markete lui-même, il a une langue qui lui appartient, il a ses vestes à col Mao qui le distinguent, et il a un style... Et il s'appelle Jack. Et il s'appelle Jack en plus. Et oui, donc, il s'était appelé Jack, tout, c'était tout différent. Tout anti-impérialiste culturel qu'il était, parce qu'il était très hostile à la culture américaine, ce qu'il appelait la sous-culture américaine. Pourtant, en effet, il va reprendre beaucoup des formules qui triomphent aux États-Unis et il va devenir ce personnage pop qui va jouer un rôle qui permet d'expliquer pourquoi on appelle ce livre « Les années Lang ». Tiens, puisqu'on parle de la pop, ça nous fait penser à la musique et au fameux son des années 80. Une chanson est sortie dans les années 80, à cette époque-là, et qui était vraiment très très nouvelle, très novatrice. Alors ça paraît dépassé maintenant, mais qu'est-ce que c'était novateur ? Ça s'appelle « Chagrin d'amour » et puis le titre résume la décennie « Chacun fait ce qui lui plaît ». Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque, fais le verre en tombant sur le lino, je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Précipice est au bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Quelles ont à me dire les étoiles ? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ce comptine. Tout près d'une poste, y'a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je dis ça me tend. Et vous êtes rentré comment ? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Que de pression dans les bars. Personne ne te pousse à boire. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Les gens de ces manies. La décalcomanie. 7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches.